Bang. Oh, c'est bon, ma gueule. Mets la piste direct. Laisse ça, Rasta. Tornegate. Tiens, so go, fais so go. Bleh. Ça fait. J'paye pas de mine et j'paye pas de bière. Paye pas tes pertes, tes chromes, tes taxes. Ouais, t'es belle, t'es bonne, t'es fraîche. J'crois que tu vas me payer mon démarche. Textile de Chine, LMG cash. J'te fais pas, déterre les haches. Sacoche LVDGEABCDEFGH. Tout bousillé pour être honnête à cœur. Que d'allumage, on va te remettre à terre. J'paye ramène pour les commets, j'baisse tout pour être honnête. J'ai le flow à la harne et la peur. Sans ce blanc, quand on demande à Vaki. J'parle des salives comme les mecs de Stinger. Rap, c'est facile, j'me retourne et ça quitte. De la poudre et du sang, j'en ai plein les mangas. On va les ouais, tu connais les rappeurs, mais connais-tu les vrais? Vrais, vrais. J'ai mis mes doigts sur les balles, j'ai mis mes doigts sur les balles. J'ai mis mes doigts sur les balles, j'ai mis mes doigts sur les balles. C'est les balles. Il dit mais ça balistique, on nous cite de la mettre illégal. J'ai mis mes doigts sur les balles, j'ai mis mes doigts sur les balles. Je mets mes deux pieds dans le game, je mets mes deux pieds dans le game. Mes pieds dans le game, je mets mes deux pieds dans le game. Je mets mes deux pieds dans le game, mes pieds dans le game. Les rappeurs des gros mythos, les mecs on nique le game. Je mets mes deux pieds dans le game. Je mets mes deux pieds dans le game. Mes pieds dans le game. Rebeu. Mets plus de vodka dans le récipient. 93-800 mecs, je suis résident. Tout vient d'Hollande comme un autre président. J'pèserai ta meuf jusqu'à qu'elle même. Elle t'a déjà rayé de la liste comme colonel réel. Tiens, sois honnête, la frappe mec, c'est réel. Couleur règle de femme rouge sous le semelle. C'est le week-end pour nous toute la semaine. J'suis ma femme au lit, est-ce un crime passionnel? On veut de quoi sur mon bide sous le soleil. M'endormir pour mon oseille, mais j'ai pas sommeil. Trop tapé au bord de la MGCL. Ton pote baisse ta meuf à la ICL. L'argent, c'est le bonheur, poteau, c'est réel. Le vieux du quartier baise des lycéens. Mon robe. On va les ouais, tu connais les rappeurs, mais connais-tu les vrais? On va les ouais, tu connais les rappeurs, mais connais-tu les vrais? Vrais, vrais.